En basket et jogging, je t'attends, tu me scrutes, prêt pour les uppercuts. Que le combat commence, deux ou trois coups d'avance, une droite, une esquive, chacun sur le cul-du. J'encaisse, encore et encore, tous les corps à corps, avec toi d'accord. Mais si demain, toi tu vas trop loin, tu peux appeler ta mère et faire ta prière. Mohamed Ali, j'ai pas peur de lui. Moi je boxe dans la même catégorie. Mais je vais mettre KO, tu n'en gardes une autre. Il aura pas le temps de compter jusqu'à vie. KO, KO, KO, oh oh oh. Tes excuses, rien à faire, rien de muse. Maintenant tu assumes, tu m'as pris pour un poids-plume. Fallait pas commencer, j'avais rien demandé. J'attaque quand les autres plongent, je jette pas l'éponge, c'est toi que j'allonge. Je suis faite comme ça, mais qu'est-ce que tu crois? À trop faire le beau, tu compteras tes os. Mohamed Ali, je suis pas peur de lui.